Les jeunes grandissent, pique pour chute, avec un naturel effarant. Navré les parents, patiente au parloir, souvent la tête dure, les dents longues, les mains creuses, ouais. L'esprit plein de nuages. Le brouillard se dissipe dès la première barre, pas d'hasard. Sur le banc de touche, les faibles se couchent, les forts touchent du cache-louche. Comment tu veux que le kerlouche soit pas sur le terrain? Tant pis si d'autres prennent le deuil ou restent sur le seuil. Faut mener le destin au doigt et à l'œil pour les plus zélés. Y'a toujours un cercueil prêt, entraîné par la vie. Les plus endurcis pleurent aussi lorsqu'un frère est parti. Les jeunes fleurs poussent sur le béton puis tournent en rond. Certaines finissent avec un tuteur, un carreau, des hauts talons. Les murs collent pas avec le temps, non. Les têtes non plus, les cœurs non plus, non. Les bleus concluent, je te jure des fois y'en a plein le cul. Mais bon, on fait avec, Kéman le sait. T'as pas le choix, sans quoi tu fais une croix. Alors t'encaisses même des coups bas. Le combat en toute catégorie, sans règle, pas d'erreur fils. Et monte la garde fils, et gaffe aux remises du vice. Et aux remises vicieuses, le sort te pique toujours au bon endroit. L'estomac, ou quand un cœur crève de froid. C'est comme ça, t'y changeras rien. Moi non plus, et chacun pour soi. Travaille ton cerveau, bosse ton uppercut, évite la chute. Plus de rapport enfant-enfant, c'est dominé, dominant. Les mômes deviennent des démons, pour s'en sortir c'est dément. Vendre cher sa peau, le seul lien. Vaut mieux vivre un jour comme un lion que sans comme un chien. Vas-y, viens. C'est juste un cliché, une parcelle, un flash. Une tranche car ma vie c'est un bordel, un clash. La bataille au bout des lèvres, sans verre d'eau ne mène à rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un chien. C'est juste un cliché, une parcelle, un flash. Une tranche car ma vie c'est un bordel, un clash. La bataille au bout des lèvres, sans verre d'eau ne mène à rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un chien. Été 77, je frôle 9 ans. Mon idole passe devant le bar, salut. J'ai beaucoup de bol, c'est mon cousin Gilbert, soi-disant la sale race. Basket blanc, les vies sans jean fourré. Avec la mine, le Marocain bâti comme un animal, pas de blague. Papy l'appelle Jackie le cannibale et bouffe les types à coups de pêche dans la tête. Saute derrière le comptoir, frappe le chef et boit un fly sec. Du manche calme, Spadaro passe en vélo comme tous les soirs. Les vieux aux tables de jeu, en train de boire plus tard. Gilbert et son équipe sont tombés pour proxénétisme. Sentence, 9 ans ferme, incompressible. Lorsqu'il est sorti, sa joie, les sourires l'avaient quitté. 6 mois après, il s'est tué. Et comme la mort fauche frappe à plusieurs portes quand elle traque. À 31 ans, le cannibale pas les morts d'une attaque si vite. Même pas le temps d'avoir un peu de peine. Puis Yvon est parti à Fresnes. Purger sa peine, c'est pas normal. On a toujours les chiffres pourris. Comme dit Passy, c'est donc ça nos vies. Cogner les mecs tombés à terre. Squatter les places les plus chères. Foutre la merde, faire de la peine à nos mères. Ma génération ne porte plus la truelle. Mais le flas pour les coups de crasse dans les ruelles cruelles. C'est la faute à qui on s'en branle. C'est pareil frère de toute manière. Qui paie les pots cassés à Marseille, c'est les mêmes. J'ai pas le temps de dialoguer. Appelez vos sociologues, ils pourront me cataloguer. C'est juste un cliché, une parcelle, un flash, une tranche car ma vie c'est un bordel, un clash. La bataille au bout des lèvres, sans verre d'eau ne mène à rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un chien. C'est juste un cliché, une parcelle, un flash, une tranche car ma vie c'est un bordel, un clash. La bataille au bout des lèvres, sans verre d'eau ne mène à rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un chien. Fataliste, la liste est longue, comme mes bangs, les 6 sur sang, loin des gangs, près du moine. À croire qu'on vit pas sur le même portail. Je suis, j'existe, la peste me piste et constat. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un chien. La fin est rude, l'habitude de rien pour son sud au nord. Un crève devant des francs jamais ne dort. Tu pites, les afrites rêvent d'or, la mort vaut le prix. Aigri par le mauvais sort, on suit, construit. Côté pavé au milieu des débris, frio au para. Dieu oublie jamais ta famille, couse. Les 12 tournent fusil, le monde aussi se perpétue. Comme la merde, viens voir qui pue. La Boissy, le soir les naïfs en su. Tempérament compta quinté, compté sûr, faut affronter. Comprends qui veut comprendre mes versets. Lancer, un prédateur après un gibier. Note aiguisée, offense la France déguisée. La merde, une drogue, dure de s'en sortir quand on gobe. Soupir, que faut-il pour arrêter de souffrir, hein? Question, sa réponse. Pense. Pourtant je fais que ça, la rap du braille, nada. On va dire la chance n'est pas là. Allez manama, bouge au moins pour la bronca. C'est tout ce qui nous reste, tu sais. C'est juste un cliché, une parcelle, un flash. Une tranche car ma vie c'est un bordel, un clash. La bataille au bout des lèvres, sans verre d'eau ne mène à rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un chien. C'est juste un cliché, une parcelle, un flash. Une tranche car ma vie c'est un bordel, un clash. La bataille au bout des lèvres, sans verre d'eau ne mène à rien. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un chien.